Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lem. Amoureuse. Vous avez été une grande amoureuse. Vous avez aimé la rencontre avec les hommes de votre vie. La dualité, la complicité, le rire, la quiétude, la séduction, l'impérieux besoin de reconquérir chaque matin, de rêver une vie à deux. Vous avez couru, attendu, retrouvé, perdu, aimé. Vous avez été heureuse, cruelle aussi, implacable souvent. Je savais parfaitement que rien ni personne ne vous résisterait, à vous mon piano. Ni ne résisterait à mes théâtres, à la route partagée avec d'autres. Amoureuse mais solitaire. Dans ma vie de femme, j'ai échoué. Dans ma vie de mère, j'ai échoué. J'ai longtemps senti dans mon ventre un vide glacé. J'ai longtemps jalousé les femmes enceintes et détesté les nouveau-nés. J'ai souvent marché la main posée sur mon ventre. Aujourd'hui, je pense que c'était sans doute le prix à payer. Et que ma vie a été malgré tout belle et intense. Je cherche un homme. Un homme qui ressemble à un homme. Un homme ensemble. C'est beau et puis c'est chaud les hommes. Et plus c'est rare et plus c'est beau. J'aimerais que ce soit moins rare, et tant pis si c'était moins beau. Je cherche un homme qui ressemble à un homme ensemble. C'est beau et puis c'est chaud les hommes. Et plus c'est rare, plus ça tient chaud. J'aimerais que ce soit moins rare, mais tant pis si j'avais moins chaud. J'en ai connu plusieurs que le soir nous apporte et qu'au petit matin, triste, l'on reconduit jusqu'au seuil de sa porte. J'en ai connu plusieurs, mais le vent les emporte. Ils font de ma maison plus triste qu'un automne, un jardin d'amour morte. Si tu es l'homme, cet homme qui ressemble à mon homme ensemble. Si tu es l'homme que j'espère, si tu es l'homme que j'attends, oh tu devrais venir plus vite, tu devrais venir maintenant. Si tu es l'homme après qui aucun autre homme sur ma vie ne sera plus jamais un homme, ni dans mon cœur, ni sur ma peau. Oh tu devrais venir plus vite, oh tu devrais venir plus tôt. Et tant pis, tant pis. Si tu n'es pas pour toi l'homme, l'homme qui ressemble à un homme, mon homme ensemble, mon homme, mon homme. En 1937, vous êtes à Marseille et vous connaissez votre première passion amoureuse. Vous avez 7 ans. J'aimais un enfant de bonne famille qui en avait 13 et était très beau. Mon premier larcin fut pour lui. 32 figues fraîches, parfumées et juteuses que mon père avait déposées dans le compotier posé sur le grand buffet. C'est la première de vos histoires d'amour, vous qui alliez en connaître tant. Un jour d'octobre 1953, vous vous mariez. Vous avez 23 ans. Je vis en Belgique et je chante pour la première fois devant un public d'étudiants dans un atelier d'artistes. Et Thierry, qui m'accompagne au piano, tient absolument à me présenter l'un de ses amis belges. Il est avocat stagiaire, mais s'intéresse à tout ce qui concerne le spectacle et il a un numéro de prestidigitateur. Franchement, lorsque je rencontre l'ami en question, je ne suis pas saisie d'un vertige prémonitoire. J'aurais dû pourtant, car c'est lui que je vais épouser un an plus tard. C'est un mariage assez félinien. Je suis habillée de noir des pieds au turban. Prudence, une amie d'Adrienne chez qui je vis, me sert de témoin, vêtue de l'une de ses robes de mercière. Je me rappelle encore qu'elle me suivait partout, me harcelant. « Ne te marie pas !» Je me marie quand même. Nous n'avons pas d'argent pour les alliances, c'est l'ami et témoin de mon mari qui nous les offre. Prudence, elle, paye le repas de noces. Chère Prudence. Prudence avait raison, votre mariage ne dure pas. 2 ans à peine et vous quittez votre mari magicien et la Belgique. Nous sommes en 1955. Il faudra cependant attendre 1962 pour que votre divorce soit prononcé. Vous ne vous marierez plus. Parce que ton épaule, mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que tes mains, c'est parce que joue à jour, c'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris, c'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime que je préfère reprendre l'air, car il faut savoir ça. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre lit ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre de l'ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Il ne sera jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Le couple, le quotidien, c'est quelque chose de très difficile. Il y a la magie des hauts, je voudrais qu'on vive ensemble, je ne peux plus vivre sans toi, je veux tout voir de toi, et puis voilà, c'est arrivé, on vit ensemble et on voit tout. Et on montre tout. Il y a un véritable talent de vivre ensemble. Tous les jours étonner l'autre, ne jamais perdre le désir. Mais est-ce que les hommes et les femmes, ou les hommes et les hommes et les femmes et les femmes sont faits pour vivre à deux? Je sais pas. Moi, je voudrais qu'un amour se brûle tout le temps. Et c'est impossible justement parce qu'il y a ce quotidien terrible. Oui, c'est difficile le quotidien. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Maintenant, ça je ne veux pas. De nous quitter avant que ne meure le temps d'aimer. Vous n'avez peut-être pas le talent du quotidien partagé, mais vous connaissez bien l'amour. Un grand nombre de vos chansons viennent de là. Je n'ai rien inventé, tout ce que je chante est vrai. Je chante ma vie de femme. Et si je devais réécrire mes chansons, je ne changerais rien. C'est l'amour qui conduit toute ma vie. C'est l'essentiel de l'existence. Rien n'est possible sans amour. J'en ai rêvé et puis j'en ai vécu. Des amours très belles. On m'a quittée et j'ai quitté. Je sais ce que c'est qu'un amour qui part, mais je sais aussi ce que c'est que de s'en aller parce qu'on n'en peut plus. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un couple qui traverse les épreuves. Mais je pense que les amours impossibles sont elles aussi magnifiques. C'est l'amour qui vous a souvent fait écrire. C'est pour Hubert que vous composez une de vos premières chansons. Dis, quand reviendras-tu? Vous avez une trentaine d'années. Pour toi, soudain, le gris du ciel n'est plus si gris. Pour toi, soudain, le poids des jours n'est plus si lourd. Voilà que sans savoir pourquoi, soudain, tu ris. Voilà que sans savoir pourquoi, soudain, tu vis. Car te voilà, oui, te voilà. Un soir, je tombe amoureuse. Amoureuse. Folle éperdue, complètement décagnassée. Amoureuse. Le cœur et la tête à l'envers. Amoureuse, enfin, d'un ami d'André Schlesser, l'âme de l'écluse. Tellement d'amoureuse. Il est venu lui rendre visite après quelques années de silence. Comme rien n'est simple, cet homme-là, Hubert, vit à Abidjan, en Afrique. Poste important, homme important. Une première fois, je vais chanter à Abidjan, puis je repars. Un jour, je reçois une lettre. Hubert revient à Paris pour peu de temps. Nos amours sont tumultueuses. Il repart en me demandant de venir vivre avec lui à Abidjan. Vous partez le rejoindre? Vous avez mis une condition à ce voyage, ne pas dépendre de lui. Travailler. Il refuse, puis finit par céder. Le hasard fait que Joatia, venu vous entendre à l'écluse, vous engage en juillet 1961 dans le cabaret qu'il a ouvert à Abidjan. Me voici installée dans la villa résidentielle d'Hubert. Il y a des soirées insupportables. Des aristocrates à la gomme en robe de chez Dior. On se passe un 33 tours de Vivaldi à la vitesse d'un 45 tours sans s'en apercevoir et on s'extasie. Je n'apparais que très rarement à ces soirées, données en mon honneur. Je refuse de chanter. Mépris pour ce monde poli mais pas joli joli. Je m'éclipse et disparais dans les cuisines. Hormis les moments où je me retrouve seule avec Hubert, je ne me sens jamais à l'aise. Je suis comme égarée. L'écluse télégraphie et me demande de rentrer. Dans l'avion, je commence « Dis, quand reviendras-tu ?» À Paris, sur mon vieux magnétophone, la chanson prend forme. Par téléphone, je fais entendre à Hubert cette chanson écrite pour lui. Il revient. Quelque temps plus tard, vous partez ensemble pour la Suisse et l'Italie. Hubert est différent, vulnérable. Il me rend très heureuse, mais veut que je lui prouve mon amour en lui promettant de ne plus toucher un piano de tout notre voyage. Je promets. Nous rentrons à Paris. En transit pour quelques jours dans un hôtel de la rue Jacob, je remarque en arrivant un piano droit en bas dans le salon. Le lendemain matin, alors qu'Hubert se trouve encore dans notre chambre, je descends. J'ouvre le piano qui sent la colle et les vieux marteaux de feutre. Je me jette avidement sur le clavier. Hubert survient. À cet instant, je le perds. Il me perd. Le lendemain, tous en soleil de nouveau. Hubert nous trouve Rémusat. Et il repart pour Abidjan. Il repart, il revient, jaloux, possessif, terrible. Il va se battre contre vous, mon piano, contre des chansons, contre un public peu nombreux mais qui constitue déjà ma raison de vivre. Non, non et non. Séparation définitive, déchirure, Rémusat de soleil et de glace. Dorénavant, je suis seul. Plus rien ne va pouvoir me détourner de ma route telle que je l'ai toujours pressentie. Rien. ni hélas personne. Plus aucun homme, aucun amour. Bien sûr, des hommes et des amours, mais c'est si différent. Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais, toujours revient. Je te ferai le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour, la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de mes reins, douce la chaleur de tes mains. À chaque fois, à chaque fois, chaque fois qu'on parle d'amour, chaque fois qu'on aime d'amour, c'est avec jamais, toujours. On refait le même chemin en ne se souvenant de rien. On recommence soumise, Florence et Naples, Naples et Venise. On se le dit, on y croit, que c'est pour la première fois. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'on aime d'amour, à pouvoir encore et toujours s'aimer, mentir d'amour. Et bien qu'on connaisse l'histoire, pouvoir s'émerveiller d'y croire, espérer faire pour pas une thune l'éclair d'amour au clair de lune, et rester là c'est merveilleux, à se rire du fond des yeux, à pouvoir encore et toujours s'aimer, mentir d'amour. Dis-le, redis-le-moi que je suis ta première fois. Viens et refais-moi le serment qu'avant moi il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour, la nuit c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de terrain, douce la chaleur de mes mains. Ah, redis-le, redis-le-moi que je suis ta première fois. Ah, redis-le-moi, je le crois et j'aime pour la première fois. Comme à chaque fois, comme à chaque fois. En acceptant de perdre Hubert, je viens de prendre le voile, inexorablement, pour cette beauté, la vie de femme qui chante. Pourtant, il y aura encore des hommes dans votre vie. Peu après la fin de votre histoire avec Hubert, vous tombez amoureuse de Luc Simon. Luc, c'est une rencontre très importante. Il me fait découvrir la peinture. Notre histoire dure 3 ans. Elle est ponctuée par tous les petits mots et toutes les lettres que nous nous écrivons. C'est pour lui que j'écris un jour la chanson « Je ne sais pas dire ». Je ne sais pas dire « Je t'aime », je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire « Je t'aime », je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire et on ne rit pas de ces mots-là. Aujourd'hui que je veux le dire, je n'ose pas, je n'ose pas. Alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira. Qui pourrait venir de toi, je ferai le mieux et le pire, mais je ferai n'importe quoi. Pourtant le jour et la nuit même, quand j'ai le mal d'amour pour toi, là simplement dire je t'aime, je n'ose pas, je n'ose pas. Alors écoute ma musique qui mieux que moi te parlera. Vous ne savez pas dire je t'aime, mais vous savez aimer. Même si vos amours sont la plupart du temps compliqués et sans concession, il vous est même arrivé de faire savoir à celui qui partage votre vie du moment que s'il reste dans la salle où vous vous apprêtez à chanter, vous ne monterez pas sur scène. Des histoires à peine commencées se terminent et d'autres voient le jour. Vous avez besoin d'être toujours entouré d'hommes. Vous dites parfois que vous êtes morte depuis longtemps. Peut-être cherchez-vous inlassablement celui qui vous fera renaître pour de bon. Au piano, je vais le dire, amoureuse du bout des doigts. Au piano, je pourrais le dire, écoute-moi, regarde-moi. Pourtant, il y a dans votre vie une histoire d'amour qui ne se terminera jamais. Celle qui vous lie à votre public. Quand j'ai commencé à chanter ma plus belle histoire d'amour, on m'a demandé si j'avais écrit cette chanson pour un homme. Non. Je l'ai écrite pour mon public, mon amant de mille bras. Souvent, je dis qu'un concert, c'est comme une longue nuit d'amour. Mais aujourd'hui, je m'interroge.

plus belle histoire d'amour, c'est vous.